Cette vidéo, bien-aimée, que je vais faire, s'adresse spécialement à des femmes, bien sûr à des hommes aussi. Parce que frères, sœurs, c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Satan est heureux, content, quand il a affaire à des personnes qui sont aveugles. Bien-aimés, je voudrais parler du sexe, des rapports sexuels. Attention aux rapports sexuels. La Bible dit, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Attention à l'homme ou à la femme avec qui tu mélanges le sang. Parce que les démons voyage d'un corps à l'autre pendant l'action. Quand vous êtes sexuellement collé, c'est là où les choses se passent. C'est là où si la personne est sorcière, si tu as affaire à un homme sorcier, c'est pendant que vous êtes collé là qu'il fait des incantations. Il s'adresse à des esprits qui sont en lui de passer en toi. Ils peuvent t'envoûter comme il peut prendre ton âme. Il peut te tuer par le sexe en prenant ton âme pendant le rapport sexuel. Il faut le comprendre. Jeune fille, combien de femmes aujourd'hui, elles sont belles, elles travaillent, mais pas de mari. Pas de mari. Des hommes viennent, ils prennent leur pied, ils s'en vont. Celui de l'autre vient, il prend son pied, ils s'en vont. Et ces femmes vieillissent seules. Il y a des gens qui suivent les filles, pas pour le plaisir sexuel. Parce qu'il a vu l'étoile que tu as. Il a vu tout ce qui est en toi. Et c'est pendant le rapport sexuel qu'il peut prendre. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand vous êtes devant une maison, vous n'avez pas les clés de la porte. Vous ne pouvez pas prendre les choses de la maison. Mais il faut que vous ayez les clés ouvrir pour entrer dans la maison. Là, vous pouvez prendre. Quand tu ouvres tes jambes, et qu'il rentre, il est rentré dans ta maison, dans ton corps. Et il peut prendre. Je veux que tu saches que l'homme est esprit, âme et corps. Ça, c'est mon corps. C'est une enveloppe. Je suis à l'intérieur de ce corps. Mon esprit et mon âme, Teddy qui te parle, Teddy. Tu ne me vois pas. Je suis caché à l'intérieur du corps. Tu entends ma voix. Mais tu ne sais pas, tu ne me vois pas, tu vois l'enveloppe, tu vois le corps. Le jour de ma mort, je quitterai là-dedans, dans cette enveloppe. On va mettre cette enveloppe dans un cercueil et cette enveloppe, on va l'enterrer. Au bout de quelques jours, ça pourrit les asticots. C'est une enveloppe. Le rapport sexuel est physique et spirituel. Pendant que vous allez coucher là, vous mélangez ton âme et son âme ensemble. La maladie qui est en lui passe par toi. Parce que vous mélangez le sang. Le sexe, c'est la grande porte où n'importe quel sorcier peut se servir dans ta vie. Et c'est là qu'on peut te dépouiller. Les conséquences, c'est les années après. C'est dangereux le sexe. Il y a certains hommes qui ont un démon de sexe. Ils ne sont jamais rassasiés. Ils peuvent coucher 20 femmes par jour, jamais rassasiés. C'est un démon. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit dominer, assujettissez. Dominer. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. À partir du moment où tu dis ça me dépasse, il y a déjà une puissance derrière. Je pense à un professeur d'histoire géo. C'est quelqu'un qui pouvait finir 2 paquets de cigarettes par jour. Son ami d'université lui a dit, son ami était médecin, lui a dit, le jour qu'on va encore opérer quelqu'un qui fume, je te ferai entrer dans la salle et tu pourras voir l'état des poumons d'un grand fumeur. Un un jour, on l'a invité. Et quand il a vu les poumons noirs, il a dit, oh, je ne vais plus toucher à la cigarette. Mais il n'a même pas tenu une semaine, il a repris la cigarette. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu délivrer les captifs. Si tu as un niveau où, tu, malgré tes efforts, tu n'arrives plus à sortir de la cigarette, il y a une puissance démoniaque qui t'a lié au tabac. Si tu n'arrives plus, tu es alcoolique, tu n'arrives plus à décrocher, il y a un esprit qui est là qui te lie à l'alcool. Tu as besoin de délivrance. Si tu es obsédé sexuel, il y a un esprit qui est là. Tu peux même coucher 10 femmes la nuit, la journée. Tu n'es pas rassasié. La femme que tu as à la maison ne te suffit pas. Il faut chercher d'autres dehors. Tu as besoin de délivrance. Pour les femmes, c'est pareil. Il y a des démons qui restent dans les bas-ventres de femmes. Un esprit de serpent. Il est dans le bas-ventre de la femme. Et quand un homme rentre dans la femme, l'esprit amène la tête à l'entrée du sexe de la femme. En fait, physiquement, tu crois plonger ton sexe dans le sexe de la femme, mais tu es en train de plonger ton zizi dans la gueule de ce serpent. Et c'est ce serpent qui va te soutirer ton énergie. C'est lui qui va te sucer, ce serpent-là. C'est la raison pour laquelle, après ce rapport, tu es comme si on a pris toutes les forces, toute l'énergie de ton corps. Tu es KO. C'est un démon qui a sucé ta puissance, qui a sucé ton énergie. C'est la raison pour laquelle c'est dangereux de prendre n'importe qui, comme mari, comme épouse. Il faut que la personne reçoive Jésus. Il faut que la personne vienne vers Jésus d'un cœur sincère, afin que le Saint-Esprit puisse faire le nettoyage. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te nettoyer. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient comme un fleuve, l'ennemi prend la fuite. Si le Saint-Esprit rentre en toi, il va mettre les démons dehors. Qui ne cohabite pas avec ces démons-là. Beaucoup de personnes, jeunes filles, tu couches pour de l'argent. Parce que le monsieur a des grosses voitures, a l'argent. Il habite dans le luxe. Il joue avec l'argent et tu es aveuglé par ça. Quand tu regardes ses doigts, tu vois des chevalières. C'est quelqu'un qui pratique l'occultisme. Il est dans la franc-maçonnerie. Il est dans la Rose-Croix. Il pratique la méditation transcendantale. Il pratique le spiritisme. Le voyage astral. C'est un sorcier. Quand tu couches avec lui, il y a des choses qu'il fait sur ton âme. Beaucoup ne suivent pas les femmes pour le plaisir. Le sorcier voit des choses qui sont en toi. Et il dit, celle-là, il me faut cette fille parce que je vais prendre l'étoile que je vois là. Et toi, tu termines le rapport, mais si seulement Dieu pouvait te dire ce qu'il a volé en toi. Parce que le diable vient pour voler. C'est pourquoi vous devez faire attention. Ne donnez pas vos corps, vos jambes à n'importe qui. Jeune homme, parce que tu vois cette femme est belle, peut-être c'est une sorcière. Et quand elle te voit, elle te dit, si seulement tu savais à qui tu as affaire. Ok, tu veux venir dormir chez moi ce soir, viens, tu vas voir ce que je vais te montrer. Et pendant que vous êtes collés, c'est là où elle va faire des choses dans ta vie. Elle va bloquer ton mariage. Et tu seras un jeune homme, tu as le pognon, tu travailles. Impossible de te marier quand une femme vient avec toi, même pas un an, elle est partie. C'est une malédiction. C'est une soubette, tu as couché avec une sorcière. Pour les filles, c'est pareil. Cet homme l'a couché avec toi. Il a pris des choses dans ta vie. Il peut placer un esprit, un démon dans ton corps. Parce qu'au moment où vous êtes collés, il va parler par télépathie aux esprits qui sont en lui, aux démons qui sont en lui. Et un démon va passer de son corps à ton corps. Même si demain tu dis à cet homme-là, c'est fini, moi je ne veux plus de toi. C'est pas grave. Il peut aller là où il peut aller, mais il est en relation avec toi. Parce que quand il fait une incantation, il est en relation avec l'esprit qu'il avait déposé dans ton corps. Il parle, il communique avec cet esprit. Et c'est cet esprit qui lui donne les renseignements dans tout ce que tu fais. C'est cet esprit qui l'informe si tu as un nouveau copain en ce moment. Et c'est lui qui va pousser cet esprit, il va demander à cet esprit afin que cet esprit provoque des disputes, des guerres, des querelles entre toi et le nouveau copain. Et tu verras la nuit, alors que tu n'es plus avec ton ex, mais tu le vois en rêve, il vient coucher avec toi. Cet homme est un sorcier. Il avait laissé un esprit en toi. Et tu as besoin de Jésus. C'est Jésus qui peut te délivrer. C'est Jésus qui peut te délivrer. J'étais dans une église tout dernièrement. On a demandé aux femmes qui ont connu l'inceste. Oh Seigneur, il fallait voir le nombre de filles qui se sont levées. Et quand tu posais la question, l'inceste s'est passé avec qui? Tonton, papa, le grand frère, le neveu. La majorité des femmes disaient c'est papa. Les pères qui couchent avec leurs filles. Ton père est dans les loges. Tonton qui a couché avec toi est dans les loges. On lui a dit dans la loge, si tu veux avoir une promotion, si tu veux avoir des pouvoirs, des puissances, couche avec ta fille, couche avec ta nièce. Et c'est papa qui est ton premier garçon. Ma soeur, si tu as connu ça dans ta vie, il y a quelque chose qui a été pris. Il y a quelque chose qu'on a pris en toi. Parce que comme papa a accompli ce que le diable lui a demandé dans la loge, il faut que tu saches qu'au moment où l'action sexuelle a eu lieu, Satan a fait quelque chose sur ton âme. C'est pourquoi dans ta vie d'après, tu vas connaître parfois des fausses couches. Parfois, des hommes qui viennent coucher avec toi la nuit. Parfois, tu as des problèmes de trouver un mari. Si tu sais que ton père a couché avec toi, ne ferme pas la bouche. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on prie pour toi. Parce que le lien est là. Le démon qui est rentré, le démon d'inceste qui est rentré en toi, fera que demain, quand tu auras des enfants, ils seront influencés par des désirs d'inceste. Parce que tu vas communiquer ces démons-là à ta descendance, à tes enfants. Il faut la délivrer pour qu'ils soient chassés. Si tu as eu des liens homosexuels, homme-homme, femme-femme, tu as besoin de Jésus. Parce qu'il y a un démon homo qui est en toi. C'est ce démon qui te donne l'envie de l'homosexualité. Si tu as avorté, pareil, tu as besoin de délivrance. Parce qu'un avortement, c'est un sacrifice humain au diable. Au moment où tu avortes là, il y a un démon en face de toi qui va récupérer l'enfant. Ça se passe sur le plan spirituel. Toi, tu peux prendre le corps de l'enfant, tu vas jeter. Le démon qui était là au moment où tu avortais, c'est lui qui a pris l'enfant. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu dit, il y aura point d'avortement parmi mon peuple. Ne couchez pas pour de l'argent. Faites attention. On peut te tuer par le sexe. Tu tombes sur quelqu'un qui fait le spiritisme. Le voyage astral, quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Au moment où vous êtes sexuellement collé, c'est là où il lui pique des choses dans ta vie. La conséquence est après. Si c'est une femme, une sorcière, même si elle est belle, mon frère, tu vas aller plonger dans ses jambes, tu ne sortiras plus là comme tu es entré. Il y a des choses qu'il a fait en toi. Il te dit, ok, tu veux mon corps, viens, tu n'arrêtes pas de me draguer, viens, tu vas voir. Au moment où tu es sur elle, elle fait une incantation, elle bloque ta vie. Toi là, partout où tu peux aller, tu ne penseras qu'à mon sexe. Tu peux aller vers d'autres femmes, tu n'auras pas de plaisir là-bas. Il n'y a que mon sexe. Même si tu te maries, tu as envie d'aller la voir. C'est parce qu'elle a fait quelque chose au moment où vous étiez connectés. C'est une sorcière. Bien-aimé, il faut vraiment que les choses, que ce soit le mariage et autres, se passent dans le Seigneur. Quand j'étais chez le grand marabout, je pouvais voir des femmes, des demoiselles, des païennes qui venaient voir le marabout. Le marabout demande, tu veux quoi? Oh, je sors avec un homme là, il est marié, mais j'aimerais que tout son cœur soit à moi et non à sa femme. Le marabout dit, ok, c'est facile, viens me voir la nuit. Tu viens me voir quand tu auras tes règles. Et la femme amenait sa couche rouge et le marabout faisait un fétiche Et il te dit, tu mets ça le soir après la douche, quand tu sais que tu vas coucher avec lui, tu mets ça dans tes fesses. Et la partie là, tu mets ça dans la nourriture. Tu prépares ce qu'il aime manger, tu mets dedans. Parce que ça va l'envoûter, il va oublier sa femme. Et toi, quand tu vas aller coucher avec lui, avec cette femme-là, mais tu seras pris par l'envoûtement. Le monde, c'est dangereux. Mais il t'a eu parce que tu es rentré dans ses jambes. Parce que c'est là qu'elle a mis la crème que le marabout a préparée. La crème, là, va t'envoûter parce que cette crème est liée à des démons. Et ce sont ces démons-là qui vont agir sur toi. Tu ne penses qu'à elle. Tu ne penses qu'à elle. C'est comme si elle était devenue la seule femme. Faites attention avec le sexe, bien-aimé. Attention, jeune fille. Les personnes qui fréquentent les loges. Les gens qui sont dans la Rose-Croix. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Les gens qui font le spiritisme. La méditation transcendantale. Le voyage astral. La magie noire, la magie blanche, attention, ils ne sont pas saints. Quand il s'accouple avec toi, il y a des choses qu'il fait sur ton âme, parce que des démons sont en lui. Les démons habitent en lui. Et ce sont ces démons-là, puisque les démons voyagent d'un corps à l'autre pendant le rapport sexuel. Les démons voyagent. Il y a beaucoup de jeunes femmes, il y a beaucoup de garçons, des hommes, qui ont aujourd'hui des démons dans leur corps et pourtant ils n'ont jamais été faire des fétiches. Ils n'ont jamais été voir un marabout. Mais le démon là, tu l'as pris pendant le rapport sexuel. Parce que les démons voyagent d'un corps à l'autre puisque vous devenez une seule chair. Si tu vas coucher avec un homme qui a beaucoup de démons en lui, pendant que vous êtes collés, les démons vont quitter de lui et rentrer en toi. Il y a beaucoup de personnes possédées, pas parce qu'ils ont été faire des gris-gris chez un marabout, jamais. Ils n'ont jamais mis pied chez un marabout. Ils n'ont jamais fait de fétiche. Mais quand on leur fait la délivrance, les démons se manifestent. Ce démon-là, tu l'as pris pendant le sexe. C'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimé. Ne couchez pas pour de l'argent. Ne couchez pas avec n'importe qui. Tout le monde n'est pas sain. Il va faire des choses sur ton âme. Toi, tu ne le sais pas, c'est un sorcier ou une sorcière. Tu vas prendre une malédiction. Et cette malédiction, tu vas payer pour ça. Et tu seras étonné. Tu n'arrives pas à te marier. Tu seras étonné. Tu es une jolie fille, mais tu ne trouves pas de mari. Rien ne marche dans ta vie. Ce sont des malédictions. Dieu n'a envoyé personne sur terre pour. Ce sont les sorciers qui vont te dépouiller. Tu avais toutes les chances de réussir dans ta vie. Mais il y a certaines personnes que tu as rencontrées. Si c'est ton père qui a couché avec toi, il a pris ta vie. C'est lui qui gère ta vie. Si tu as connu ou tu as connu un sorcier ou une sorcière, il a pris des choses sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui tu es comme dans un brouillard. Rien ne marche. Et même si tu es marié, tu n'es pas heureuse. Tout le temps des conflits avec ton mari. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte à faire très attention. Que Dieu vous bénisse.